بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 115 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Al-Furqan Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan. Et on est arrivé à l'endroit dans le livre maintenant le Cheikh il a expliqué la différence entre qu'est-ce qui est Kauni et Shar'i dans plusieurs des termes. Et il continue à expliquer certains points qui ont rapport avec ça. Maintenant qu'il a établi, wa alaykoum salam, wa rahmatullah, maintenant qu'il a établi certains points comme ça, il dit maintenant, wa bastu hadhihi al-jumal lahu mawdi'un akhar wa innama katabtu huna tanbihan ala majami' al-farq bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan wa jam'u al-farq baynahuma اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah il explique que les détails de l'explication de ce sujet là et des phrases qu'on a mentionnées par rapport au doua qu'on avait expliqué à la dernière fois, ça c'est expliqué dans d'autres endroits. Donc Ibn Taymiyyah souvent qu'est-ce qu'il fait? Il parle d'un sujet puis il aime aller jusqu'au fond des choses et rentrer dans le cœur du sujet. Et c'est pour ça que parfois il va rentrer dans des détails et il va aller très profondément dans chaque sujet et ramener les preuves de chaque chose. Et parfois qu'est-ce qu'il fait? Si il sait que par exemple le sujet demande plus d'explications ou plus de détails, au lieu de l'expliquer à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va référer les gens à qu'est-ce qu'il a écrit sur le sujet ailleurs, dans un autre de ses livres. Alors, c'est ce qu'il fait ici maintenant. Et il dit ici, et j'ai uniquement écrit ceci pour justement faire, prendre note ou bien pour noter ou donner l'importance à la distinction et à la différence qui existe entre les alliés d'Allah, qui sont les alliés d'Ar-Rahman, et les alliés du Shaytan. Et d'expliquer, de clarifier clairement la différence qui existe entre ces deux catégories-là. Hein? Et il dit, et si on veut en fait savoir le point central sur quoi se réunit cette distinction, et la façon de considérer cette distinction-là, c'est de prendre en considération ce qui est en accord avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qu'il a amené, parce qu'en réalité, la distinction entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan, et entre ces alliés qui sont heureux et ses ennemis qui sont malheureux, c'est par l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette distinction-là est clarifiée. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit « وَلِذَلِكَ عُنْوَانُ الْكِتَابِ الْفُرْقَانِ بَيْنَ أَوْلِيَاءَ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ وَهَذَا هُوَ الْفُرْقَانِ » Donc le Cheikh, il dit, c'est pour cette raison même que Ibn Taymiyyah a nommé le titre de ce livre de cette façon. Le discernement entre les alliés d'Ar-Rahman, c'est-à-dire Allah, et les alliés du Shaytan, c'est-à-dire yani, ceux qui suivent le shaitan et qui contredisent la religion d'Allah. Et c'est ça le discernement ici qu'il va mentionner. Il dit ensuite, « لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة منهم من أطاعه ومنهم من أطاعه وآمن به فنال رضا الله سبحانه وتعالى وكرامته ومنهم من عصى هذا الرسول وكفر به فنال غضب الله وسخطه ولعنته إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فمن أطاع هذا الرسول واتبع أمره واجتنب نهيه واقتدى به فإنه ينال رضا الله ومن خالف أمره وكفر به فإنه ينال غضب الله سبحانه وتعالى وهذا هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أولياء الرحمن أطاعوا الرسول وأما لو أولياء الشيطان فهم عصوا الرسول ولو تركهم ولم يرسل رسولا لما حصل فرق ولا تبين هذا من هذا، وإنما يتبين هذا بإرسال الرسل وإنزال الأوامر والنواهي، هي التي تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أما لو لم ترسل الرسل وتنزل الكتب لما تميز هذا من هذا. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan il explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à tous les hommes, parmi les hommes il y en a qui ont cru en lui et qui lui ont obéi, et par conséquent ils ont obtenu l'agrément d'Allah et ils ont également été honorés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que parmi les hommes, il y en a d'autres qui ont désobéi à ce messager et qui ont renié la foi en lui. Et ils ont par conséquent obtenu la colère d'Allah et son courroux et sa malédiction. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit comme exemple à ce sujet-là dans le verset 15, dans Surat Al-Muzzammil, versets 15 et 16, il dit « Nous avons certes envoyé vers vous un messager comme témoin sur vous, de la même manière que nous avions envoyé un messager à Pharaon. » Mais Pharaon a désobéi au messager, alors nous l'avons saisi d'une manière qui est dure. Et il dit ensuite, donc celui qui a obéi à ce messager-là et qui a suivi son ordre et son commandement et qui s'est écarté de son interdiction et qui l'a pris comme exemple et qui a suivi son modèle, eh bien il va obtenir d'Allah son agrément, tandis que celui qui le contredit et qui renie la foi en lui, eh bien, il va obtenir la colère d'Allah. Il va recevoir d'Allah la colère. Et il dit, c'est ça donc la distinction et le discernement entre les alliés d'Allah, Ar-Rahman, et les alliés du Shaytan. Et les alliés d'Ar-Rahman, ceux qui sont les serviteurs rapprochés d'Allah, eh bien, ils obéissent aux messagers. Tandis que les alliés du Shaytan, eh bien, ce sont ceux qui désobéissent au messager. Et, si Allah subhanahu wa ta'ala avait délaissé les hommes et ne leur avait pas envoyé de messager, eh bien, il n'y aurait pas eu ce discernement et cette distinction. Et on n'aurait pas pu distinguer entre les alliés du shaitan et les alliés d'Allah. Parce que sans la guidance d'Allah, on ne peut pas distinguer justement entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre la vérité et entre le droit chemin et l'égarement. Donc c'est uniquement par le fait que justement Allah a envoyé le messager et la révélation avec laquelle il est venu qu'on arrive justement à être capable de distinguer entre les alliés de Ar-Rahman et les alliés du Shaytan. Et il dit, et c'est ainsi qu'on arrive à distinguer entre les deux, et il dit ça c'est uniquement donc par le fait que Allah a envoyé les messagers, il a fait descendre les ordres et les interdictions, et c'est par cela qu'on peut distinguer justement entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Et tandis que si les messagers n'avaient pas été envoyés et que les livres n'avaient pas été envoyés, on n'aurait pas distingué entre ces deux catégories. Ensuite le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit wa bayna awliya'ihi ahli al-jannah wa a'da'ihi ahli an-nar وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد وبين أعدائه أهل الغي والضلال والفساد وأعدائه حزب الشيطان وأوليائه الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Donc ici, le Cheikh explique que donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a, par l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, permis de distinguer entre ses alliés, ses alliés parmi les gens qui sont les gens du bonheur, et ses ennemis, les gens du malheur. Et entre ses alliés, les gens du paradis, et ses ennemis, les gens de l'enfer. Et entre ses alliés, les gens de la guidance et de la droiture, et entre ses ennemis, les gens de la déviation et de l'égarement et de la corruption, et entre ses ennemis, le parti du shaitan, et ses alliés, ceux pour qui Allah a prescrit la foi et auxquels il a donné le support d'une âme venant de lui. Donc ici, il dit, en citant le verset 22 dans Sourate Al-Mujadala, vous ne trouverez pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui opposent Allah et son messager. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ces points-là en disant, إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يعني علق الجزاء بالوصف الأبرار في نعيم لبرهم والفجار في جحيم لفجورهم ومعصيتهم فرق الله به بين هؤلاء وهؤلاء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, الأبرار, c'est-à-dire les gens de bien, les vertueux, seront dans des délices, et tandis que les pervers, les pécheurs, seront dans une fournaise dans l'enfer. Et ça, c'est les versets 13 et 14 dans Surat Al-Infitar. Ensuite, le Cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a raccroché les rétributions des serviteurs à ces descriptions, soit à l'abrar, qui seront dans les délices, et la raison qu'on les appelle des abrar, c'est parce qu'ils ont al-bir, ils ont la bonté, la piété, l'obéissance, le bien. Et Al-Fujjar, ils sont, disons, ceux qui sont dans l'enfer, parce qu'on les appelle Al-Fujjar, yani parce qu'ils ont, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, Al-Fujur. Al-Fujur, c'est-à-dire la désobéissance, le péché, la perversité, et ainsi de suite. Donc, c'est des descriptions que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées. Et il a dit, ceux qui ont cette description-là, ils vont aller au paradis, et ceux qui auront cette description-là, ils vont aller en enfer. Et par cela, Allah a distingué entre les deux catégories. Ensuite, il dit وَهَذَا مِمَّا فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ أَوْلِيَاءَ الرَّحْمَنُ وَأَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ. Donc, des fois, les gens, ils utilisent des termes ou ils emploient les mots et les descriptions. Et parfois, ils essaient justement de nier la signification de ces descriptions-là. La raison pourquoi ils font ça, c'est parfois parce que ils veulent tromper les gens ou bien ils veulent mélanger les gens par rapport à la vérité, par rapport à la religion. Et donc, ils essaient de vider les termes de leur sens et de leur signification. Donc, quand tu retournes à la signification de qu'est-ce que Allah a mentionné au sujet de ces noms-là et de ces descriptions-là dans le Coran et des exemples de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là dans la Sunna, eh bien, tu vois que les choses sont claires. Et il dit le Cheikh Al-Fawzan, وَهَذَا مِمَّا فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ أَوْلِيَاءَ الرَّحْمَنُ وَأَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ فَأَوْلِيَاءَ الرَّحْمَنِ يُوَالُونَ وَيُعَادُونَ فِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُوَالُونَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَيُعَادُونَ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَلِهَذَا قَالَ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يعني كفر بالله وعصى الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ثم يعني أولئك كتب في قلوبهم الإيمان يعني ثبت الله الإيمان أو ثبت الله الإيمان في قلوبهم فنتج عنه أنه أحب في الله وعاد في الله سبحانه وتعالى حتى أقرب الناس إليهم يعني كتب في قلوبهم الإيمان يعني قواهم وأمدهم بروح منه أي قوة إيمان منه سبحانه وتعالى ثبتهم على هذا الولاء والبراء أما الذي لا يفرق بين المؤمن والكافر وبين المطيع والعاصي فهذا ليس بمؤمن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر هذا ليس بمؤمن الذي يقول الناس سواء يعني وحرية الأديان وحرية الرأي يعني ولا حجر على أحد هذا ليس بمؤمن لأنه لا يفرق بين مؤمن وكافر فما دام أنه لا يفرق والناس عنده سواء فإنه ليس بمؤمن والإيمان يقتضي التفريق. Donc ici le Cheikh il explique un point très important et il explique que en fait c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait cette distinction entre les croyants et les non-croyants, entre les alliés, ses alliés, les alliés d'Ar-Rahman et les alliés du Shaytan. Et les alliés d'Allah, Ar-Rahman, ils aiment et ils détestent en Allah et pour Allah. Et ils aiment ceux qui obéissent à Allah et ils opposent ceux qui désobéissent à Allah. Et c'est pour ça que tu vois dans le verset dans Sourate Al-Mujadala, qui est le dernier verset dans cette sourate, le verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne trouveras, il dit ce qui signifie, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier et qui en même temps aime ceux qui opposent Allah et son messager. Donc c'est comme pour dire que, yani, si tu vois un peuple qui dit qu'il croit en Allah et au messager, puis qui en même temps qu'ils disent qu'ils croient en Allah et au messager et au jour dernier, hein, en Allah et au jour dernier, ils disent on croit en Allah et au jour dernier, puis en même temps ils aiment ceux qui renient la foi en Allah et qui désobéissent à Allah et qui rejettent la religion. Si ils prétendent croire en Allah, puis ils aiment ces gens-là en même temps, alors c'est comme pour dire qu'ils n'ont pas la foi, ces gens-là. Ils ne sont pas des vrais croyants. Hein? C'est une contradiction. Parce que tu ne peux pas croire en Allah et au jour dernier, puis aimer ceux qui détestent et qui opposent Allah et son messager en même temps. Et donc, c'est pour ça il dit, même si c'était leur père, leur fils, ou leur frère, ou les gens de leur famille ou de leur tribu. Donc, ça veut dire que si yani, tu dis que tu es croyant et que tu crois en Allah et au jour dernier, eh bien, c'est pas possible qu'en même temps que tu crois en Allah et au jour dernier, tu aimes hein, tes proches, tes parents, tes enfants, tes frères ou tes proches de ta famille qui renient la foi en Allah et qui rejettent la foi en Allah. Hein, puis tu dis, je suis croyant, puis tu aimes ces gens-là en même temps. Et on ne parle pas de l'amour naturel. Hein? Ce n'est pas l'amour naturel que quelqu'un a pour ses proches ou pour son père ou pour sa mère. Parce que ça, c'est quelque chose qui est naturel. Les ulama, ils ont dit ça, c'est al-hubb al-tabi'i. Al-hubb al-tabi'i, l'être humain, il n'est pas récompensé pour ça. Et il n'est pas puni pour ça non plus. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'il peut contrôler. C'est quelque chose qui est instinctif. On parle ici de l'amour qui est un amour religieux, un amour qui est basé sur la foi, hein, qui est basé sur la croyance. Donc, ce n'est pas possible que quelqu'un soit musulman puis qu'en même temps il aime hein, yani, les mécréants. Parce que ça, c'est une contradiction. Ça implique en même temps qu'il aimerait leur religion. Ça implique qu'il aimerait leur religion. Donc, comment tu peux dire, par exemple, moi je suis croyant, je suis musulman, mais en même temps j'aime les juifs, j'aime les chrétiens, j'aime les athées, hein, parce que je suis d'accord avec leurs croyances. Leurs croyances, elles sont bonnes. Si tu dis ça, ça veut dire en réalité que tu ne crois pas en Allah et en son messager, et que tu ne crois pas au jour dernier non plus, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que ces gens-là ne sont pas croyants. D'accord? Donc, c'est ça la signification ici. Et donc, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ensuite dans le verset, donc que yani, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier et qui aime ceux qui opposent Allah et son messager, c'est-à-dire qui renie la foi en Allah, même si c'était leur père ou leur fils ou leur frère ou leur famille, cela Allah a prescrit la foi pour eux dans leur cœur. C'est-à-dire, il leur a mis la foi dans leur cœur, il les a guidés, et par conséquent, ils aiment uniquement en Allah. Ils aiment uniquement ceux qui amènent l'agrément d'Allah. Et ils détestent également pour Allah. C'est-à-dire que quand ils détestent quelque chose, ils détestent quelque chose pour l'agrément d'Allah. C'est-à-dire parce que Allah détestent quelque chose, alors ils veulent faire plaisir à Allah en détestant cette chose que Allah déteste. Et c'est ça le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Ça veut dire que si tu aimes quelque chose, tu l'aimes pour Allah parce que Allah aime cette chose. Et donc par conséquent, toi tu l'aimes pour Allah. Et quand tu détestes quelque chose, tu dois le détester également pour Allah. Hein? Et non, et donc parce que Allah le déteste, tu le détestes. Tu ne dois pas aimer quelque chose que Allah déteste. Et tu ne dois pas non plus détester quelque chose que Allah aime. Parce que là, ça veut dire qu'il y a un problème avec ta foi si tu trouves que dans ton cœur, tu aimes quelque chose que Allah déteste. Ou que tu détestes quelque chose que Allah aime. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ta foi à ce moment-là. Et le cheikh, il dit donc que même si c'était les gens les plus proches de toi, si tu sais qu'ils détestent Allah et son messager, dans ce cas-là, tu ne dois pas les aimer. Parce que Allah déteste ces gens-là. Et il dit, وَكَتَبَ فِي قُلُوبِ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ, c'est-à-dire il a raffermi et donné de la force à leur foi dans leur cœur, et il les a soutenus et raffermis par une force dans leur foi de sa part. Donc il les a raffermis sur cette croyance en Al-Wala ou Al-Bara. Al-Wala ou Al-Bara, ça veut dire le fait d'aimer et de détester pour Allah. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est un principe islamique parmi les fondements de la religion. Et il dit, en ce qui concerne ceux qui ne font pas de distinction du tout entre un croyant et un non-croyant, et qui disent, il n'y a pas de différence entre un musulman et un non-musulman, tout le monde est égaux, dans le sens qu'il ne va pas préférer un croyant à un mécréant, là, il y a un problème. Et il dit, non plus celui qui ne distingue pas entre l'obéissant et le pécheur, c'est-à-dire il va aimer le croyant et le non-croyant de la même façon. Il va aimer le pécheur de la même manière qu'il va aimer le musulman pieux et qui est obéissant à Allah. Donc il dit, en réalité, celui qui est comme ça, il n'est pas vraiment croyant. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne peux pas trouver un peuple qui croit en Allah et au jour dernier et qui aime ceux qui opposent Allah et son messager en même temps. Donc c'est comme si tu dis, moi j'aime Allah puis j'aime le shaitan. Yani, tu dis, mais non, tu ne peux pas aimer Allah puis aimer le shaitan en même temps. Parce que c'est une contradiction. Et donc, tu ne peux pas non plus, tu peux pas dire, j'aime les anges et puis j'aime les alliés du shaitan en même temps. Les anges, les prophètes, tu dois les aimer parce que Allah les aime. Mais les alliés du shaitan, tu dois aussi les détester. Et tous ceux qui obéissent au shaitan, tu dois les détester. D'accord? Donc, en réalité, c'est simple à comprendre. Mais à notre époque, les gens, des fois, ils ont accepté certains principes de la part des koufars dans leur façon de penser, dans leur vie. Et ils se basent sur ces principes-là et ils ne réalisent pas que ces choses-là sont en contradiction avec l'islam. Donc, tu vois, par exemple, certains musulmans qui disent, moi, je ne distingue pas entre un musulman et un non-musulman. L'important, c'est comment la personne se comporte. S'il a un bon comportement, alors, dans ce cas-là, je l'aime. Et s'il a un mauvais comportement, eh ben dans ce cas-là, je ne l'aime pas, même si c'est un musulman. Et ça, ce n'est pas une façon de penser qui est en accord avec l'islam. Parce qu'en islam, on doit toujours regarder les gens avant tout selon leurs croyances et selon leur foi, et non pas uniquement selon leur comportement. Parce que si tu te bases uniquement sur le comportement et que tu ne tiens pas compte de la croyance, eh bien, ça veut dire que dans ce cas-là, Yanni, c'est comme si tu considères que celui qui accepte le faux, du moment qu'il agit bien avec toi, tu vas l'aimer. Et celui qui accepte la vérité, mais s'il agit d'une façon avec toi qui n'est pas correcte, tu vas dire, ah, lui, je ne l'aime pas de la même manière que je détesterais un kafir ou un mécréant. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, tu ne l'as pas aimé pour Allah et tu ne l'as pas détesté pour Allah. Tu as aimé pour toi-même et tu as détesté pour toi-même. Parce que tout est relié à tes intérêts et à qu'est-ce qui revient à toi de ce que tu retires de la personne. Et non pas pour qu'est-ce que la personne a par rapport à sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si par exemple quelqu'un, il agit bien avec toi mais c'est un kafir, tu vas aimer son comportement par rapport au fait qu'il agit bien avec toi. Mais en même temps, tu dois te rappeler que c'est un kafir et qu'il a renié la foi en Allah. Et au jour de la résurrection, eh bien, son bon comportement ne pourra pas le sauver du châtiment d'Allah s'il n'a pas cru en Allah et en son messager. Donc, c'est bien beau qu'il ait un beau comportement, mais son beau comportement, là, est-ce qu'il l'a et quand il fait des belles choses ou quand il agit bien avec toi, est-ce qu'il le fait pour Allah? Est-ce qu'il le fait pour avoir la récompense du paradis? Ou bien il le fait juste parce qu'il veut justement attirer de toi quelque chose d'un profit de la dunya, ou parce qu'il espère de toi avoir de l'argent ou avoir quelque chose? Donc souvent c'est ça que les gens oublient. Les koufars, par exemple, tu vas voir qu'ils vont par exemple respecter un rendez-vous, respecter un or- une entente qu'ils ont prise avec toi, s'ils le respectent, c'est parce qu'ils attendent au bout, hein, quelque chose, un retour, un intérêt ou un bienfait dans la dunya. D'accord? Et yani, tandis que le mu'min, s'il fait quelque chose, il le fait pour Allah. Hein? Il le fait pour Allah et pour avoir sa récompense au jour de la résurrection. Maintenant, celui qui fait des œuvres uniquement pour la dunya et qui fait des choses juste parce qu'il veut avoir du bien en retour de la part des gens, yani, il va avoir un bien dans la dunya, mais il ne va pas avoir de récompense au jour de la résurrection pour qu'est-ce qu'il fait. Et c'est ça qui est la différence entre le mu'min et le kafir. Le kafir, par exemple, il va faire quelque chose, peut-être que il va s'abstenir de faire quelque chose qui est mauvais. Pas parce qu'il croit que Allah a interdit cette chose, ou parce que il croit que cette chose-là, Allah l'a rendue haram, donc il ne faut pas le faire. Non, il s'abstient de la chose qui est mauvaise parce que c'est interdit par la loi et qu'il a peur que la police va l'arrêter et le mettre en prison ou bien, disons, va lui donner une amende ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, si c'était pas ça, yani, s'il n'y a pas de policier, s'il n'y a personne qui le regarde, il va pas avoir peur de faire ce péché-là ou de faire cette chose qui est interdite. D'accord? Donc, tandis que le croyant, lui, il va s'abstenir de le faire, même s'il n'y a aucun policier, hein, parce qu'il craint Allah et il croit au jour de la résurrection, donc il a peur de cela. Donc, la différence entre le croyant et le non-croyant, elle est immense. Et si un musulman commet un péché, hein, il est toujours meilleur que le kafir, même si ce kafir, il ne fait pas le péché. Pourquoi? Parce que le kafir, il ne croit pas en Allah. Tandis que le mu'min, le croyant, même s'il a commis ce péché-là, il a cru en Allah et il peut se repentir, il peut demander pardon. Tandis que le kafir, lui, il ne considère même pas. Yani, qu'il a quelqu'un vers qui il doit se demander pardon ou quelqu'un à qui il doit revenir en repentance parce qu'il ne croit même pas en la repentance, il ne croit même pas en Allah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ici, le cheikh ensuite il dit donc, c'est ça, qu'il y a des gens comme ça, ils pensent, ils disent non, les gens sont tous pareils. Les croyants, les non-croyants, c'est la même chose. Tout le monde est libre de croire en la religion qu'il veut. Tout le monde a le droit d'avoir l'opinion qu'il veut. Il y a pas de restriction, on ne doit pas limiter personne. Hein? Et le cheikh, il dit, celui qui pense comme ça, il n'est pas croyant en réalité. Il n'est pas mu'min. Hein? Celui qui ne voit pas de différence ou de distinction entre un croyant et un non-croyant, il n'est pas musulman. Hein? Il n'est pas croyant réellement. Parce qu'il ne distingue pas entre le croyant et le mécréant. Et là, on ne veut pas dire, par exemple, de ne pas distinguer dans le sens que si, par exemple, un musulman fait une injustice à un non-musulman, tu vas dire, ah ben lui c'est un non-musulman, donc même si il a subi une injustice, c'est pas grave. Non, ça veut pas dire ça. Parce que le fait d'être égal, ici on ne parle pas de l'égalité dans le sens dans le sens de dire que si on dit on va pas traiter égal un kafir ou un non ou un croyant par rapport à ses droits et par rapport à qu'est-ce qui est juste. Parce que l'islam ordonne les musulmans d'être justes envers tout le monde, que ce soit un croyant ou un non-croyant. Mais ce n'est pas ça dont on est en train de parler maintenant. On est en train de parler de l'attitude par rapport à l'amour, par rapport au respect, par rapport à l'estime que qu'on a envers quelqu'un et le fait qu'on doit distinguer justement entre celui qui est croyant par rapport à ça et celui qui est non-croyant. D'accord? Parce que yani, celui qui est croyant, on a l'obligation de l'aimer pour Allah. Et on l'aime parce qu'il est croyant. Tandis que celui qui est kafir, eh bien, on a l'obligation de le détester parce qu'il déteste Allah et Allah le déteste. Allah déteste le kafir. Dans le Coran, il dit, dans plusieurs versets, « Wallahu la yuhibbul kafirin. » Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les kafirs, il n'aime pas les mécréants. Mais il aime les croyants, hein? Il aime les mu'minines, il aime hein, les muhsinines, et ainsi de suite. Donc, celui qui pense qu'il n'y a pas de distinction et qu'il n'y a pas de différence et qu'on doit aimer tout le monde de la même manière, comme les gens qui disent hein, il faut être humaniste dans le sens général, c'est-à-dire aimer tout le monde de la même façon sans tenir compte de la différence des croyances et des religions. Ça implique quoi? Ça implique que tu ne vas pas distinguer entre la vérité et le faux. Ça veut dire que pour toi, la vérité est équivalente au faux. Pour toi, yani, le faux et le vrai, yani, le fait d'être sur la vérité, c'est pas, ça n'a pas de privilège ou de, ça n'a pas de préférence ou de mérite. C'est-à-dire que celui qui est sur le faux, il a autant de mérite que celui qui est sur la vérité. D'accord? Et comme certains parmi les gens aujourd'hui qui disent, ah mais non, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de faux absolu. Tout le monde a a sa propre vérité, tout le monde a sa propre position et tout le monde a raison. Ça, c'est en réalité quelque chose qui est une contradiction avec la foi. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Walaykoum salam wa. Pourquoi? Parce que deux choses fausses, deux choses vraies peuvent pas être contradictoires. Si deux choses sont vraies, il faut qu'elles soient en accord. Et si deux choses sont contradictoires, elles peuvent pas être toutes les deux vraies en même temps. D'accord? Donc tu peux pas dire les musulmans ils ont raison, puis les juifs ils ont raison, puis les chrétiens ils ont raison, puis les bouddhistes ils ont raison, puis les hindous ils ont raison, puis les athées ils ont raison. Ça, c'est une contradiction. Ça, c'est pas possible. Soit un, il a raison et les autres, ils ont tort, ou bien c'est les autres qui ont tort et lui qui a raison. Les deux peuvent pas être vrais en même temps. D'accord? Donc, yani, il faut toujours chercher qu'est-ce qui est vrai et croire en qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux, il faut le rejeter. Et il y a des gens qui disent, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Tout le monde a sa propre vérité. Ça, en réalité, c'est parce que c'est des gens souvent, soit qu'ils suivent leur passion, ou soit qu'ils ne veulent pas faire l'effort de chercher. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, étant donné que c'est trop compliqué, ou bien ils ne veulent pas se donner l'effort ou la peine de chercher, alors ils disent, tout le monde a raison, hein? Ou bien il n'y a pas de vérité, il n'y en a pas. Comme les nihilistes, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de. Hein? Il y en a qui disent aussi, moi je suis agnostique. Il y en a qui disent, je suis agnostique, c'est-à-dire je ne sais pas. Peut-être que ça c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est faux. Je ne sais pas. Je suis pas contre, mais je suis pas pour. Hein? Et ça aussi c'est la même chose. C'est équivalent à ceux qui sont des koufars. Ils ne renient pas le prophète, mais ils ne croient pas en lui non plus. Yani, c'est la même chose que si tu ne crois pas. Parce que si tu n'as pas affirmé la vérité et renié ce qui est contraire à la vérité, tu n'es pas croyant. Il faut accepter la vérité et rejeter ce qui est faux et s'opposer à ce qui est faux. Hein? Ce n'est pas seulement tu dis Oumino billah. Non. Yani, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Donc, pour que tu dises que tu es vraiment croyant à Allah, il faut renier le taghout, c'est-à-dire renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et les idoles et les faux prophètes et les fausses divinités, tu dois les rejeter. Sinon, tu n'as pas cru en Allah réellement. Donc, ça, c'est important. Après, le cheikh, il dit, وَقَالَ تَعَالَى إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Donc ce verset, c'est le verset 12 dans Sourate Al-Anfal. Et le cheikh, maintenant, c'est ce qu'il va expliquer, le terme de Al-Wahyu. Il va parler de le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé. Et il explique que le terme révélé, hein, yuhi, il est utilisé dans deux sens. Un sens qui est kauni et un sens qui est shar'i. Hein, parce que le terme yuhi, il est utilisé pour les anges ici. Yuhi ila al-malaika. Et les shayatines aussi, ils le font parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset, inna shayatina la yuhuna ila awliya'ihim liyujadilukum. Hein? Le shaytan, il révèle des choses à ses alliés pour débattre avec vous. Et dans l'autre verset, dans d'autres versets, il mentionne même, par exemple, qu'il a révélé aux abeilles, hein, des choses aux abeilles et des choses comme ça. Donc ça, c'est pour distinguer entre al-wahyu qui est kauni et al-wahyu qui est shara'i. Mais sinon, on va laisser ce sujet-là pour la prochaine fois, inshallah, pour l'expliquer comme il faut, parce que le temps de la prière approche. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera la semaine prochaine, inshallah, ce sujet-là. Donc la semaine prochaine, le temps de la prière de Isha, il ne va plus être à la même heure, parce que dimanche, on va changer l'heure. Donc à partir de dimanche prochain, on va ajouter une heure, ça va être l'heure d'été. On va avancer. Donc ça veut dire que si par exemple aujourd'hui le Isha il est à 7h11 ou 7h09, 7h, ouais, ça va être à 8h. Donc on ajoute une heure. D'accord? Donc là, on va être obligé de changer les heures des cours. Donc, on va essayer d'ajuster ça, inshallah, la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.